إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours numéro 5. Aujourd'hui, dans l'explication du livre du Cheikh Abdul Salam ibn Burgess al-Abdul Karim, rahimahullah, dans son livre Al-Mashru'u wal-Mamnu'u min al-Tawassul, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été légiféré et permis et qu'est-ce qui a été interdit par rapport au Tawassul. Donc, on a expliqué jusqu'à maintenant plusieurs choses dans le livre depuis l'introduction. Expliqué beaucoup de choses intéressantes. On a parlé au dernier cours des catégories de tawassul. Et on a expliqué donc les deux premières catégories de tawassul qui sont légiférées, qui sont permises dans la charia, dans l'islam. On a expliqué comme premier exemple le fait de faire le tawassul par les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'était le premier exemple qu'on a mentionné. Ensuite, on a donné un deuxième exemple aussi, on a parlé d'une deuxième catégorie, c'est-à-dire la catégorie du tawassul qui est fait par le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes œuvres qu'on a faites, hein, par nos bonnes œuvres. Donc ça fait partie aussi des différentes formes de tawassul qui sont permises. Et on a laissé la dernière catégorie parmi les formes de tawassul qui sont permises pour aujourd'hui. Donc on va commencer à en parler aujourd'hui. Et on va commencer à la clarifier, à l'expliquer. Et c'est comme le Cheikh Abdussalam Ibn Burgess l'explique: النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء أحد الأحياء الحاضرين ممن عرف بالصلاح والاستقامة. C'est-à-dire de faire le tawassul à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation de quelqu'un parmi les vivants, c'est-à-dire quelqu'un qui est vivant et qui est présent parmi les gens qui est connu comme étant sur la droiture et sur qui s'accroche à la religion et qui est connu comme une personne de bien, une personne parmi les gens du bien, les gens vertueux. Donc ça, c'est un exemple de tawassul qui est acceptable et qui est permise dans la charia. Mais en même temps, c'est la forme de tawassul qui est souvent utilisée, disons, pour faire des shubuhat par les gens de bid'ah et par les gens de shirk. Donc ils, quand ils veulent essayer d'appeler les gens à la bid'ah ou au shirk, ils essaient de faire des shubuhat avec cette catégorie de tawassul-là en particulier. C'est-à-dire le fait de faire le tawassul par l'invocation des hommes pieux. Hein? Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu vas voir quelqu'un que tu considères comme étant pieux, que tu considères comme étant un bon musulman, d'après ce qui est apparent de lui, et que tu lui demandes d'invoquer Allah, ou de demander à Allah pour toi. D'accord? Et tu lui demandes, bien entendu, à cette personne que tu considères comme étant parmi les bons musulmans, tu lui demandes d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, mais, bien entendu, il faut qu'il soit vivant. Et il faut qu'il soit présent. hein, qu'il soit capable de ça, il faut qu'il t'entende, hein, qu'il soit physiquement présent, ou bien qu'il soit capable de t'entendre, soit parce que tu lui parles au téléphone, ou bien que tu le contactes par message, par écrit. Donc, tu lui écris un email, ou tu lui écris un message texte par téléphone, tu lui parles, hein, tu lui envoies un message vocal qu'il reçoit, ça c'est correct. Hein, tu lui dis, yani, peux-tu faire un doua pour moi? Hein, tu parles avec ton frère ou ton ami, hein, ou la parenté qui est en voyage. Tu sais que le doua de celui qui voyage est exaucé, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu lui demandes, tu lui dis, puisque tu es en voyage, yani, peux-tu invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, et ainsi de suite. D'accord? Ça c'est correct. Mais les gens de Bid'a, le problème qu'ils ont souvent avec cette question-là, les gens du shirk et les gens de Bid'a, c'est qu'ils mentionnent cet exemple de tawassul sans faire de différence et sans distinguer entre les vivants et les morts. Donc ils essaient de faire croire aux gens que de demander à un vivant et de demander à un mort, c'est la même chose. Et là, c'est là qu'ils tombent dans le shirk. Parce qu'ils appellent les musulmans à appeler des morts et à demander à des morts dans leur tombe, hein, en disant que ils peuvent nous aider. Ils prétendent que ces morts-là peuvent nous aider et peuvent demander à Allah subhanahu wa ta'ala et peuvent faire des actes pour nous, des aides pour nous, de la même manière que comme quand ils étaient dans cette dunya, quand ils étaient vivants. Et ça, c'est non seulement, yani, c'est contraire au Coran et à la Sunna, et contraire à l'exemple des salaf al-salih, mais en plus de ça, c'est contraire au bon sens, c'est contraire à la simple raison, yani, à la raison, à la logique. Tout le monde sait qu'il y a une différence entre un vivant et un mort. Hein? Pourtant, ces gens-là, ils n'ont, comme on dit, ni sens de compréhension dans la religion, ni raison non plus. Ils ont contredit même dans la religion et dans la logique simple, dans le bon sens. Hein? Naam. Donc, on va expliquer, on va clarifier cette forme de tawassul-là pour commencer. Puis après, on va donner peut-être un peu plus d'exemples de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, ou de ce que je viens de vous mentionner. Donc, le Cheikh, il dit, « An-naw'u thalith » Donc on l'a dit, التوسل إلى الله بدعاء أحد الأحياء الحاضرين ممن عرف بالصلاح والاستقامة. أي نعم. Donc juste avant de quitter pour venir à la mosquée, j'avais comme une idée qui m'est venue à l'esprit par rapport à cette question-là. C'était un point important que je voulais mentionner. Donc je voulais écrire une petite note dans le livre justement par rapport à cet exemple-là pour m'en souvenir lorsque j'allais arriver pour vous en parler justement. Mais là, malheureusement, étant donné que j'ai oublié de le noter dans le livre, donc j'ai complètement oublié qu'est-ce que c'était cet exemple-là que je voulais mentionner. Mais bon. Inch'Allah, je ne m'inquiète pas trop. Bi'idhnillah, je suis convaincu que ça va revenir au fur et à mesure parce que, puisque j'y ai pensé en pensant au sujet, donc ça va sûrement revenir. Aynam. Donc, aynam. Il dit, « Wa adillatu dhalika kathira fil kitab wa sunnah. Minha qawlullahi ta'ala an ikhwati Yusuf. قالوا يا أبانا استغفر لنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فقد طلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام وهو حي حاضر أن يستغفر الله لهم ومثل هذا ما شرع للمؤمنين من اتيانهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته لأجل أن يستغفر الله لهم قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Donc on va traduire cette première exemple, ces premières preuves à ce sujet-là. Donc, donc on a dit, donc j'ai demandé à quelqu'un de pieux qui est présent, qui est vivant, de faire dua pour nous. Et les preuves de ça sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les preuves à ce sujet, il y a l'exemple de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne les paroles des frères de Yusuf alayhi salam dans Surat Yusuf, dans lequel ils disent ce qui signifie, où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leurs paroles. Ils disent: ô notre Père, implore pour nous Allah, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Il dit: j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc on voit ici l'exemple de Yaqub alayhi salam, ses fils lui demandent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et Yaqub alayhi salam, à ce moment-là, il est vivant et il est présent, et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc ça, c'est un exemple de tawassul par un homme pieux. Donc de faire le tawassul par un homme pieux, ça signifie de demander à cet homme pieux là d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous alors qu'il est vivant et présent. Et il dit: wa mithlu hadha ma shuri'a lil mu'minin. Donc l'exemple de ça aussi, c'est qu'est-ce qui a été légiféré et ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran aux croyants, d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est vivant, alors qu'il était vivant, dans le but de lui demander d'invoquer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et ça, c'est dans le verset 64 dans Surat An-Nisa. Donc dans le verset 64 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ce qui signifie: si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils viennent, ils venaient vers toi. Donc si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Donc, on voit dans cet exemple-là que Allah subhanahu wa ta'ala encourage les croyants, premièrement, à venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est vivant pour lui demander, premièrement, qu'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala eux-mêmes pour leurs propres péchés, et qu'ils demandent aux messagers d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux et de demander le pardon pour eux. Et dans ce cas-là, ils trouveraient Allah subhanahu wa ta'ala repentant, c'est-à-dire qui accepte leur repentance et miséricordieux. Donc ça, c'est le cheikh, il dit: وَهَذَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَمَّا بَعْدَ مَمَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَن نَطْلُبَ مِنْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَنَا وَإِنَّمَا نَطْلُبُ مِنْ صَالِحِ حَيٍّ حَاضِرٍ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلِذَا فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَلَبَ مِنَ الْعَبَّاسِ أَن يَدْعُوَ اللَّهَ لَهُمْ وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc le cheikh, il explique ici, il dit que ça, c'est durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en ce qui concerne après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis pour nous de demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Mais on doit uniquement le faire de la part de quelqu'un qui est vivant et qui est pieux et qui est présent, comme le faisaient les sahaba radiallahu anhum, lorsque il voulait demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, qui était très, très important, qui était très grave, comme par exemple lorsqu'il n'y avait plus de pluie, il voulait demander la pluie, il voulait faire al-istisqa, et bien il demandait, que par exemple Omar ibn Khattab à l'époque demandait à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Abbas, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est quelque chose qui nous prouve que si c'était permis d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le dua pour nous après sa mort, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu n'aurait pas demandé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait demandé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Mais il n'a pas fait ça. Il a demandé directement à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander, de faire le dua pour eux et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour que la pluie tombe. La pluie tombe. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Et parmi les shubuhat des gens de shirk et de bid'ah qui essaient justement de justifier leur adoration des morts, ils essaient d'utiliser comme argument, comme si par exemple lorsqu'on leur dit vous ne devez pas faire ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est mort, c'est uniquement lorsqu'il était vivant. Ils ramènent par exemple des histoires qui ont été rapportées mais qui n'ont aucune authenticité, de l'histoire d'un bédouin qui serait rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui serait allé vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il aurait entendu une voix ou quelque chose de ce genre. Donc il y a beaucoup de soufis qui se basent sur ce genre d'histoire là et ce genre d'histoire elle n'est supportée par aucune authenticité. C'est pas des choses qui sont authentiques, c'est des choses qui sont rapportées comme ça, et la plupart du temps c'est comme on dit que c'est des choses qui sont des khurafat ou des mawdu'at, des choses fabriquées, qui ne sont pas des preuves dans la charia d'Allah. Même si parfois on les retrouve dans des livres de tafsir, comme par exemple si vous allez dans le tafsir d'Al-Qurtubi ou le tafsir d'Ibn Kathir, vous allez trouver ce genre d'histoire-là, mais souvent les ulama les mentionnent justement pour que les gens sachent que ces choses-là sont fausses, que ces choses-là sont des choses qui sont rapportées par des gens, mais qu'on ne doit pas prendre en considération, parce que justement elles ne sont pas authentiques, d'accord. Et donc l'exemple de Omar ibn al-Khattab est clair dans ce cas-là. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à son oncle al-Abbas, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh, il dit: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّوَسُّلِ حديث العربي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو. Donc le cheikh il dit, et parmi les choses qui indiquent qu'il est permis et légiféré dans l'islam de faire cette forme de tawassul, c'est-à-dire de demander à quelqu'un de pieux d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, c'est l'exemple du hadith du bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Et qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et à ce moment-là, si je me souviens bien, c'est un hadith qui est rapporté même qu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la jumu'ah, il faisait la khutba. Et le bédouin est arrivé et il a dit: ô messager d'Allah, nos biens ont commencé à périr parce qu'il n'y a plus de pluie, donc nos récoltes commencent à périr et les enfants ont faim, alors invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse tomber la pluie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite la pluie a commencé à tomber. Et même que cet homme-là est revenu, je crois, le vendredi suivant, pour demander justement au prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cesser la pluie, parce que la pluie avait continué à tomber et là ça commençait à inonder les champs et tout et tout. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé. Mais ça, c'était durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, c'est une choubha, justement, comme je disais tout à l'heure, que les gens de Bid'a, parmi les soufiyins, parmi les Rafida et d'autres, utilisent, comme s'ils disent, par exemple, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit qu'il est vivant dans sa tombe. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Donc, si on l'invoque, c'est pas comme si on évoquait un mort. Pour eux, ils essaient d'utiliser ça comme un argument pour essayer de justifier que non, mais il est vivant dans sa tombe, donc on peut l'adorer. On peut l'invoquer. Naam, il y a un hadith qui mentionne que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Et ce hadith, il est sahih, il est authentique. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos des martyrs, qu'ils sont vivants. Il dit, ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants. Bal ahya. Mais est-ce que cette vie dans laquelle ils sont après leur mort, dans leur tombe, est-ce que c'est une vie qui est comme celle qu'on vit dans cette vie d'ici-bas? Bien sûr que non. Et les ulama, ils ont expliqué que cette vie qu'ils sont en train de vivre, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-hayatul barzakhiyya. Ils sont dans le barzakh, un endroit qu'on appelle al-barzakh. Et le barzakh, c'est quoi? C'est, disons, un monde dans lequel ils attendent la résurrection. Donc c'est un monde entre notre vie à nous et l'au-delà. Et c'est là que les morts attendent, c'est là qu'on attend quand on meurt dans notre tombe, on est dans le barzakh en même temps. Donc, mais les règles et les lois, si on veut, qui s'appliquent au barzakh sont totalement différentes à celles de notre vie d'ici-bas. Et donc la vie du barzakh, c'est pas la même chose que la vie de la dunya. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit vivant dans sa tombe, ou que les martyrs soient vivants dans leur tombe, c'est pas la même chose que quand ils sont vivants dans cette vie. Même que, à propos des martyrs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que ils sont dans le paradis, dans des corps d'oiseaux verts, et ils volent, où ils veulent aller dans le paradis, et si je me souviens bien, ils se posent sur des lanternes qui sont accrochées sous le tronc. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, qu'est-ce que vous voulez? Et eux, ils demandent, ces martyrs, ils disent, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Tu nous as fait rentrer dans ton paradis, Tu nous as fait rentrer dans ton paradis, et on peut aller où on veut. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala insiste, leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez demander? Et ils demandent quoi? Ils demandent de renvoie-nous encore une fois dans cette vie pour qu'on puisse encore une fois mourir pour ta cause. Allez, pour qu'on puisse être martyr encore une fois. Donc, c'est pour dire que ils vivent, oui, mais c'est pas la même chose que la vie d'ici-bas, et ils peuvent rien faire pour les vivants. Ils peuvent rien faire pour les vivants. Ils peuvent pas non plus revenir dans ce monde faire quoi que ce soit pour eux. Contrairement à ce que prétendent les soufis, qui pensent que lorsque tu invoques un wali ou un saint, un homme pieux, tu l'appelles dans sa tombe, il sort, il vient faire le service que tu lui as demandé, puis il retourne dans sa tombe. Ça, c'est qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est des histoires que tu trouves dans les livres des soufis. Alors qu'on sait très bien que le barzakh, tu ne peux pas en sortir. Une fois que tu es rentré, une fois que tu es mort, tu ne peux plus revenir dans ce monde. Exactement. Sinon, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba auraient dit, quand ils avaient des problèmes à l'époque quand ils ont eu des fitanes ou quand ils ont eu des problèmes, eh bien les sahaba seraient allés tout de suite voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire viens nous aider, hein, viens régler ce problème là qu'on a entre nous, comment on doit régler ça, comment on doit faire ça. Et quand ils avaient des questions, ils n'allaient pas demander à d'autres sahaba, ils allaient demander tout de suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il réponde. Mais jamais les sahaba n'ont jamais fait ça, hein. Et le cheikh il dit, وتأمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون رواه البخاري أي فكان العباس رضي الله عنه يدعو الله فيسقون. فهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الطلب من الحي الحاضر الصالح أن يدعو الله تعالى لك. Donc le cheikh il dit, et observez bien, méditez bien sur le hadith de Anas ibn Malik qui rapporte justement que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsque Omar ibn al-Khattab voyait qu'il y avait de la sécheresse, qu'il y avait des famines, hein, il demandait, il faisait l'istisqa par Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. C'est-à-dire quoi? Il demandait à Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le père de Abdullah ibn Abbas, de faire dua et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la pluie. Alors il disait, ô Allah, dans le passé nous faisions le tawassul, hein, vers toi par notre prophète et tu nous donnais la pluie. Aujourd'hui nous faisons le tawassul vers toi par l'oncle de notre prophète, alors donne-nous la pluie. Et la pluie tombait. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que, hein, il faisait le tawassul par l'oncle du prophète ou bien par le prophète? On veut dire qu'il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire tomber la pluie, et il demandait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse tomber la pluie. Donc, les soufis, ils jouent avec le mot, ils jouent avec le terme, parce qu'il dit, donc, faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense que ça veut dire de faire le tawassul en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en demandant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que tu demandes à Allah par son nom, hein, et c'est, ou par son statut, ou par son honneur, ou des choses de ce genre. Alors que non, le tawassul bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou le tawassul بعم النبي صلى الله عليه وسلم, ça veut dire que tu demandes au prophète صلى الله عليه وسلم ou à son oncle alors qu'il est vivant, c'est-à-dire à son époque, hein, de faire tomber la pluie, c'est-à-dire dans le sens qu'il demande à Allah pour que la pluie tombe. C'est pas que lui, hein, il va faire tomber la pluie, non, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu demandes au prophète, c'est tu lui demandes de faire un dua pour les croyants alors qu'il est vivant. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus de ce monde. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. De même que Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Donc on ne peut plus demander par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut demander à quelqu'un aujourd'hui qui est pieux de le faire, et il va le faire pour nous, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les pays musulmans, comme en Arabie Saoudite, la prière de Al-Istisqa, lorsque le dirigeant l'ordonne, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui, des imams dans le pays, qui vont le faire à différents endroits dans le pays. Ils vont faire salat al-istisqa. Hein? Et je me souviens, lorsque j'étais à Médine, justement, lorsque j'étudiais à l'université, et souvent ça arrivait que, quand il n'y avait pas de pluie, hein, le dirigeant demandait aux imams de faire l'istisqa. Et puis, les imams sortaient et commençaient à faire la salat istisqa, hein. Donc c'est-à-dire de demander la pluie, et comment ça se fait en faisant la salat yani de la façon que le prophète nous a enseigné de le faire pour cette occasion-là. Donc il dit, donc dans ce hadith, il y a la preuve de la légitimité de demander à un vivant qui est présent d'invoquer et qui est pieux d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Ça c'est permis. Il dit ومن ذلك ما ثبت عن سليم ابن عامر الخبائلي أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد أي معاوية عند رجليه فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا اللهم نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس أيديهم وفي هذا ما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل حيث طلب معاوية رضي الله عنه من يزيد بن الأسود وهو حاضر أن يدعو الله لهم ولهذا أو ولذا فإن الفقهاء ينصون في صلاة الاستسقاء على استحباب التوسل بصالح حي حاضر ليكون أقرب إلى الإجابة. Le Cheikh il dit un autre, il donne un autre exemple. Hein? Il a donné l'exemple de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba faisaient le tawassul par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils lui demandaient d'invoquer Allah pour eux, que la pluie tombe. Et là, il donne l'exemple maintenant de Muawiya ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, lorsqu'il voulait justement faire al-istisqa, il faisait la même chose. Hein? C'est rapporté que c'est selon Salim ibn Amir al-Khaba'iri que, yani, à un moment donné, le ciel avait retenu sa pluie, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pluie pendant un bon bout de temps, il y avait de la sécheresse. Alors Muawiya ibn Abi Sufyan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la ville. Ça c'est l'exemple, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet exemple-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait de la ville. Quand il faisait l'istisqa, il sortait de la ville. Et donc tous les gens de Damas se réunissaient, ils sortaient de la ville et ils faisaient l'istisqa, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie. Alors Muawiya, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le minbar. Il a dit à l'assemblée des gens, où est Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Alors les gens l'ont appelé. Et, yani, Yazid ibn al-Aswad est venu. Il a commencé à, yani, faire son chemin parmi les gens pour arriver jusqu'à Muawiya. Radiallahu anhu. Quand il est arrivé à Muawiya, Muawiya lui a ordonné de monter sur le minbar. Donc il est monté sur le minbar. Et lui, Muawiya, yani radiallahu anhu, il s'est assis, yani, il s'est assis en dessous de en bas de lui, yani en bas de ses pieds. Et il a dit, Muawiya a dit, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit, oh Allah, nous intercédons auprès de toi aujourd'hui par le meilleur d'entre nous. Hein, par le meilleur d'entre nous. Oh Allah, nous intercédons auprès de toi aujourd'hui par Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Et après il a dit, oh Yazid, lève tes mains et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a levé ses mains, et tout le monde a levé leurs mains aussi pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander la pluie. Et donc, ça, c'est la preuve qu'il est légiféré de faire ce genre de tawassul. du fait que Muawiyah, radiyallahu anhu, a demandé à Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, alors qu'il était vivant et qu'il était présent, d'invoquer Allah pour eux. Et c'est pour cette raison que les ulama de fiqh, les fuqaha, ils mentionnent au sujet de la salat al-istisqa, la prière de la demande de la pluie, il y en a dans les livres de fiqh, qu'il est recommandé de faire le tawassul par un homme pieux qui est vivant et présent pour que ce soit quelque chose, pour que le doua soit plus exaucé, que le doua ait plus de chances d'être exaucé. Et c'est exactement ça que je voulais mentionner tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais une idée mais que j'avais oublié. Je l'ai trouvé, l'idée c'était justement par rapport à ça. Et je vais faire mon petit commentaire justement par rapport à un point qui est très important à ce sujet-là. Donc on en profite tout le temps dans ces questions-là, dans les cours qu'on fait, pour, lorsqu'on a l'occasion et lorsqu'on a la possibilité, de clarifier le manhaj et la aqida des salafs sur des sujets comme ce sujet-là qui est relié au tawhid directement, de réfuter des shubuhat lorsque vient l'occasion pour que ce genre de choses-là soient clarifiées, parce que c'est très important. Puis on sait comment les hizbiyin et les gens de bid'a détestent les gens qui appellent à la salafiyya et détestent le manhaj des salaf. Alors il est très important de justement d'en profiter pour que ces questions-là soient bien comprises par les musulmans. Et le point que je voulais rajouter justement à propos de cette question, c'est à propos justement du fondateur des Ikhwan, Hassan al-Banna, le soufi. Donc Hassan al-Banna, on sait que parmi les exemples de sa da'wa d'égarement, c'est qu'il essayait toujours de réunir tout le monde malgré leurs divergences, malgré les divisions. Et il disait tout le temps que par exemple, s'il y a des divergences, il faut s'excuser les uns les autres. On doit accepter la divergence et les divisions, même si ce sont des divisions ou des divergences causées par rapport au fondement de la religion ou même au dépens de la aqida. Donc même si on a des divergences dans la aqida, on a des divergences dans le manhaj, dans la compréhension des fondements de l'islam, c'est pas grave, faut s'unir quand même. Et des fois, qu'est-ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il faisait des questions qui sont des questions de fondement de la religion, des bases dans l'aqida et dans le manhaj. Il essayait de faire croire aux gens que c'était des questions de divergence dans le fiqh, comme si on voulait dire c'est des divergences d'ijtihad, des divergences dans le fiqh, c'est pas des choses qui sont dans l'aqida, c'est pas grave, on peut se diviser là-dedans. Donc ça, j'aimerais bien répondre à cette shubha, parce que ça fait partie des exemples qu'il a mentionnés dans ses livres. Hassan al-Banna a essayé de faire croire que la question de at-tawassul, c'est une question de divergence dans le fiqh. Parce que certains ulama mentionnent la question de at-tawassul et al-istisqa. Ils mentionnent la question de tawassul dans le chapitre, dans les livres de fiqh où on parle de al-istisqa, salat al-istisqa, d'accord? Et donc, ils essaient d'utiliser ça pour dire, regardez, ça c'est une divergence dans le fiqh. Donc, de faire le tawassul et d'invoquer les morts et de demander aux morts, ça c'est une divergence dans le fiqh. Alors qu'on sait, que c'est faux. On sait que ça rentre directement avec la aqidah. Que ça a un rapport direct avec la croyance, puisque d'invoquer les morts et de demander à des morts, c'est du shirk. C'est du shirk akbar, du shirk majeur, qui fait sortir de l'islam, qui fait que quelqu'un quitte la religion musulmane et devient un mushrik, kafir. Et que s'il meurt sur ce kufr ou ce shirk akbar, il sera éternellement dans l'enfer. Il brûlera pour l'éternité sans jamais avoir l'espoir d'en sortir. Donc, est-ce que ça, c'est une question de fiqh? Et c'est une question de divergence de fiqh? Non. Et en même temps aussi, c'est bien de comprendre que même dans les questions de fiqh, c'est pas toutes les divergences qui sont acceptables et qui sont excusables. Il y a des divergences dans le fiqh que les ulama Ahl-Sunnah et les salaf salih ont mentionné dans les livres de Aqida. Pourquoi? Parce que c'est des divergences dans le fiqh qui sont reliées directement à une question qui a rapport avec le manhaj ou la Aqida. Par exemple, tu trouves dans les livres de Aqida des imams des salaf la mention de al-mas' ala al-khuffain, de passer les mains sur les khuf, hein, sur les chaussettes, sur les bas, hein, des choses comme ça, les bas en cuir ou les bas en tissu ou autre, selon l'analogie que les ulama ont fait. Donc, pourquoi il mentionne la question de al-mas' ala al-khuffain dans les livres de Aqida, alors que c'est une question de fiqh qui est dans les livres de fiqh? La raison pour laquelle il le mentionne, c'est parce que justement, c'est cette question de al-mas' ala al-khuffain, comme l'imam Ahmad, si je ne me trompe pas, a mentionné à ce sujet-là, qu'il y a plus que 50 hadiths sur la question de al-mas' ala al-khuffain. 50 hadiths. Donc, quand une question est devenue à un tel point clair qu'il y a 50 hadiths authentiques qui mentionnent la question et qui clarifient le fait que ça fait partie de la sunna, que c'est permis, et que des groupes parmi les musulmans ou parmi les gens d'innovation ont divergé sur ces questions-là, comme par exemple les Rafida, eux, ils rejettent complètement la question de al-mas' ala al-khuffain. Pour eux, c'est pas permis de le faire. Hein? Pour eux, c'est interdit de faire al-mas' ala al-khuffain. Donc, les ulama d'Ahl-Sunnah ont mentionné la question de al-mas' ala al-khuffain dans les livres de Aqidah, justement, même si ça fait partie du fiqh, parce que ça devient une question de Aqidah et de manhaj, du fait qu'il y a des groupes d'égarements connus, et des gens de la, il y en a des gens de l'égarement et de la passion et de la déviation qui ont divergé avec les gens de la Sunna sur cette question-là. Donc ça devient une question qui nous distingue, et un point qui nous distingue avec les gens de la Bid'ah. Et donc ils le mettent dans le manhaj et dans la Aqidah. Et d'autres exemples aussi, comme par exemple l'exemple de Al-Mut'a, hein, Zawaj al-Mut'a. Les Shi'a al-Rafida, ils permettent le mariage temporaire. Ils pensent que c'est permis pour un musulman de te marier pendant une journée, deux jours, trois jours, une semaine, et tu écris dans le contrat la date de péremption, la date que le mariage va s'annuler. Donc tu dis, je me marie avec telle personne, telle date, puis la semaine prochaine, le mariage va être annulé. Le mariage est fini. Et tu donnes l'argent à la personne, la femme. Hein. Ça devient de la prostitution, en fait. Et c'est pour ça qu'en Iran, dans les pays où il y a beaucoup de rafida, il y a beaucoup, justement, de prostitution comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui sont spécialisées dans le muta'a. Elles se marient comme ça. Elles se donnent un mariage pour une heure, pour une journée, pour une semaine. Après, et ils vont voir un imam chiite comme ça, un imam des Shi'a Rafida, qui les marie pour une semaine, ou pour un jour, ou pour une heure. Et puis, après ça, ils se divorcent, elles recommencent encore avec un autre, juste un autre, un autre, un autre comme ça. Et elle vit comme ça, ça devient une prostituée. Hein? Donc, eux, ils essaient de légiférer ça. Et les ulama, donc, d'Ahl-Sunnah mentionnent ça dans les livres de Aqida. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a une divergence entre nous et les Rafida sur cette question-là, alors qu'il y a des preuves claires dans la Sunna qui nous montrent que ça, c'est interdit. Hein? Et le hadith qui interdit le Mut'a et qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, il est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Hein? Qui est celui que les Rafida prétendent suivre. Et bien c'est lui que le hadith est rapporté selon lui dans le sahih de l'imam muslim. Hein? Donc ça c'est un exemple, encore une fois, des questions. Hein? Oui, auparavant ça a été, c'est au début de l'islam, ça avait été permis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça a été interdit par la suite. Hein? Ça a été interdit par la suite avec des hadiths authentique, yani, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est interdit jusqu'au jugement dernier. Il y en a, ça, c'est plus permis par la suite. Yani, c'est comme beaucoup de choses. Au début de l'islam, yani, c'était pas interdit comme l'alcool, hein, des choses comme ça. Puis par la suite, ça a été, il y a des versets qui ont été descendus, révélés pour dire que yani, l'alcool c'est mauvais, écartez-vous. Hein. Puis par la suite, l'interdiction absolue qui est descendue par la suite. Non, mais il y a des hadiths qui mentionnent, si tu regardes dans les livres de Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, les hadiths qui parlent dans le chapitre du mariage, il y a des hadiths qui mentionnent qu'au début de l'islam, le prophète Sassoum l'avait permis. Puis par la suite, justement, que le prophète Sassoum l'a interdit de façon absolue et catégorique jusqu'à la fin des temps. Donc, sur cette question-là, il n'y a pas de doute. Hein. Mais les rafida, eux, prétendent que c'est Omar ibn al-Khattab qui l'a interdit. Alors que ce n'est pas vrai, puisque le hadith, comme j'ai dit, il est rapporté selon Ali, radiallahu anhu. Donc ça, c'est juste un exemple en passant pour dire qu'il y a des questions de fiqh qui rentrent dans la aqidah aussi, quand des gens ont divergé sur ces questions-là. Maintenant, cette question qui a rapport avec le tawassul, elle est directement reliée avec la aqidah, puisqu'ils font le tawassul soit parce qu'ils demandent par un homme ou par un prophète ou par quelqu'un de, yani, parmi les hommes pieux, mais ils ne demandent pas à quelqu'un qui est vivant, qui est présent, ils demandent par le nom d'un mort ou par un mort, hein, directement, ils demandent au mort directement, ou bien ils demandent à Allah par le statut ou le niveau ou le degré du mort. On a expliqué que de demander par le mort, dans le sens que tu vas dire « Oh Allah, je te demande par ton prophète » ou par le degré de ton prophète ou par le statut de ton prophète, on a expliqué que ça, c'est pas du shirk, mais c'est une bid'a. Et que ça peut amener les gens à tomber dans le shirk par la suite. Tandis que celui qui demande directement à un mort, hein, et qui demande à quelqu'un qui est mort, là, dans ce cas-là, ça tombe dans le shirk akbar, le shirk majeur. Et donc, c'est relié directement à la aqidah, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Donc, que Hassan al-Banna, hein, fondateur de la secte des frères musulmans, prétende que ce genre de pratique c'est permis, ou qu'il y a des divergences là-dessus, et que c'est une question de fiqh, yani, ça c'est totalement faux. Hein. Et de toute façon, comme on sait, la aqidah pour eux, c'est yani, le moindre de leurs occupations, le moindre de leurs préoccupations. Parce que pour eux, la aqida, ça a très peu d'importance. Le cheikh, il dit ensuite, pour terminer ce point de la troisième catégorie de tawassul, tawassul par le doigt de l'homme pieux qui est vivant et présent, il dit « Wa bihadha al-qadr nantahi min suwar al-tawassul al-mashru' fi bab al-du'a وكله داخل تحت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. Donc le cheikh il dit, avec cette portion qu'on a mentionnée des questions des catégories de tawassul, on va s'arrêter donc avec ce qu'on a mentionné au sujet de l'invocation, et tout ce qu'on a mentionné à ce sujet-là rentre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez une wasila vers lui, c'est-à-dire un moyen de vous rapprocher de lui. Verset 35 dans Surat Al-Ma'idah. Maintenant, on rentre dans At-Tawassul Al-Mamnour Shara'an, c'est-à-dire le tawassul qui est interdit, yani dans la révélation et dans la sharia. Donc le Cheikh Abdussalam ibn Burgess, rahimahullah, il dit التوسل الممنوع شرعا يجب ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التوسل وهو التوسل الممنوع شرعا وهو كل توسل لم يقم عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنقتصر في التمثيل على ذلك بالتوسلات المتعلقة بالدعاء فالتوسل غير المشروع ك كالتوسل إلى الله بذوات الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله، فتقول مثلا: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بأبي بكر، أو بالشيخ فلان، أن تغفر لي وترحمني. وكذلك التوسل بالأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، فتقول: اللهم إني أتوسل إليك بالكعبة، اللهم برمضان وليلة القدر، أو أن تغفر لي، ونحو ذلك. فكل هذه الصور محرمة شرعا، وهي من أشر البدع، إذ لم يقم دليل من الكتاب والسنة على مشروعية شيء منها. Donc le cheikh il explique premièrement que la deuxième catégorie des catégories de tawassul, c'est la catégorie de tawassul qui est interdite. On a parlé de tawassul al-mashrou', qui est légiféré et qui est permis. On a donné trois exemples, trois catégories dans cette forme de tawassul qui est permis, qui est permise. Et maintenant, on donne l'exemple des tawassul interdits. Et il donne une définition du tawassul qui est interdit. Et il explique que c'est toute forme de tawassul au sujet de laquelle ou duquel il n'y a pas eu de preuve ni du Coran ni de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si une forme de tawassul n'est pas supportée par une preuve authentique du Coran et de la Sunna, dans ce cas-là ce n'est pas légiféré de le faire et c'est quelque chose qui est interdit. Le cheikh il dit: ولنقتصر في التمثيل على ذلك بالتوسلات. Donc on va se limiter à donner des exemples dans ce chapitre, des exemples de tawassul qui sont reliés à l'invocation en particulier. Comme on l'a dit dans les cours précédents, on a expliqué qu'on va parler des formes de tawassul reliées à l'invocation en particulier seulement, parce que c'est dans cette catégorie là qu'il y a le plus de shubuhat. Après, le cheikh il dit que le tawassul qui n'est pas légiféré, c'est donc les exemples de tawassul par les êtres des prophètes et des messagers et des hommes pieux parmi les serviteurs d'Allah. Donc, quand tu les invoques, par exemple, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas dire, par exemple, oh Allah, je me rapproche de toi, ou je cherche un moyen de me rapprocher vers toi par ton prophète Mohammed, ou par Abu Bakr, ou par le cheikh un tel, que tu, je demande par ton prophète ou par Abu Bakr ou par un cheikh un tel de me pardonner et de me faire miséricorde. Ça c'est un exemple de tawassul qui est interdit, parce que tu demandes par quelqu'un, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais par quelqu'un, par un prophète ou par un homme pieux, et dans ce cas là peu importe qu'il soit, c'est-à-dire s'il est vivant ou il est mort, mais que tu demandes par sa personne, ça rentre dans les innovations, comme on l'a expliqué, et le cheikh il va l'expliquer lui aussi. Toutefois, si tu demandes par quelqu'un qui est mort, en demandant directement à cette personne-là, dans ce cas-là, ça c'est du shirk majeur, parce que là tu demandes pas à Allah par le nom de la personne, tu demandes directement à ce mort-là, ça c'est du shirk majeur. Il faut faire la différence entre les deux. La différence de demander à Allah, tu demandes à Allah par un homme pieux ou par un prophète, ça c'est bid'ah, ou de demander à un homme pieux ou à un prophète directement qui est mort ou qui est pas présent, et tu lui demandes de faire quelque chose pour toi, ça c'est shirk akbar, c'est pas la même chose les deux. Donc l'exemple que le cheikh il a mentionné ici, c'est très clair. C'est que tu dises: oh Allah, je te demande par ton prophète Mohammed, ou bien par un homme pieux, ou bien par Abu Bakr Siddiq, que tu me pardonnes ou que tu me fasses miséricorde. De même que le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des lieux ou des endroits qu'on croit être méritoires ou bénis, qu'on croit être meilleurs que d'autres. Comme par exemple, on croit que dans un endroit en particulier, il y a un mérite dedans. Donc tu dis par exemple, oh Allah, je te demande par la Kaaba, ou je te demande par le Ramadan, ou je te demande par Laylatul Qadr, de me pardonner, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit que toutes ces formules-là, ces exemples-là sont des exemples interdits dans la charia, et qu'elles font partie des pires bid'ah, des pires innovations, et qu'aucune preuve, hein, parce qu'aucune preuve du Coran et de la Sunna n'a été établi pour légiférer ce genre de pratique et ce genre d'exemple et de formule. Après le cheikh il dit wa hadhihi hiya at-tawassulat al-warida fi al-kitab was-sunnah wa ma jaa'a 'an as-salaf fi hadhihi al-ummah laysa fiha tawassul ila Allah bi dhawat al-makhluqin. Wa hadha al-qawl huwa qawl jamaahir al-ummah. Juste avant de traduire ce point-là, je veux juste rajouter une petite note ici, importante. C'est que des fois, les gens, ils achètent des livres de dua. Des livres avec des invocations dedans. Et il y a beaucoup de ces livres-là, parfois, c'est des livres écrits par des soufis. Et toutes les turcs soufis, toutes les différentes sectes soufis, les confréries soufis, ont leur propre livre de dua. Qu'ils appellent des wird, hein. Et donc, dans ces livres de dua qu'ils écrivent, il y a beaucoup de dua que, c'est-à-dire la plupart de ces dua-là, c'est pas des dua qui sont dans la sunna du prophète, c'est-à-dire c'est pas des dua qui ont été révélés et qui ont été enseignés par le prophète dans la sunna authentique. C'est des dua que leurs chouyouch ont inventés eux-mêmes. Et dans ces dua, tu trouves n'importe quoi. Parfois, tu trouves des paroles de shirk, tu trouves des paroles de kufr, tu trouves même des invocations à des anges, et même parfois des invocations à des djinns. Parce qu'ils inventent des noms, ils ramènent des noms, ils disent que ce sont des noms d'anges, alors qu'en réalité, ce sont des noms de djinns. J'ai trouvé des livres de dua qui ont été écrits par des gens de différentes des sectes soufis de différentes turuqs, par exemple les turuqs tijaniya, la tariqa tijaniya, hein, la tariqa shadiliya ou naqshbandiya ou d'autres. Tu lis leur wird, tu lis leur livre de dua, c'est rempli de shirk. Il y a des mots, c'est même pas des mots dans une langue humaine. Dans le sens que c'est même pas des mots compréhensibles dans aucune langue. Et des noms que tu peux pas, ils disent que ce sont des noms des anges, mais ces noms-là sont pas révélés dans aucun livre révélé. Tu trouves pas ces noms d'anges-là mentionnés nulle part, ni dans les livres des juifs, ni dans les livres des chrétiens, ni dans les livres ni dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques. Donc, d'où est-ce qu'ils ont sorti ces noms d'anges-là? S'ils prétendent que ce sont des anges, comment ils ont fait pour les connaître, puisqu'il n'y a aucune révélation divine qui mentionne ces anges, hein? Donc souvent ces gens-là, c'est des gens, il y en a parmi les soufis, ce sont des gens qui font du sihr, qui font de la sorcellerie, et qui ont contact avec des djinns, et qui rentrent en contact avec des djinns, ils prétendent que c'est des miracles qu'ils font, hein? Donc c'est des sorciers en fait, ceux qu'on appelle les marabouts là, hein, beaucoup d'entre eux là, sont des sorciers en réalité, et ils essaient de se donner une image religieuse, mais ils n'ont rien à voir avec la religion, hein? Et ces gens-là, c'est ça ce qu'ils font, ils invoquent les djinns, ils adorent les djinns, hein? Et dans leurs livres, si je me souviens, j'ai essayé de les retrouver, parce que j'ai trouvé certains de ces livres-là, je les ai gardés comme exemple pour faire donner des exemples aux gens des formes de shirk qui sont dans ces livres-là. Je les ai placés dans un hangar fermé à clé. Donc, quand j'ai besoin de donner des exemples aux frères ou de leur montrer des exemples de shirk dans ces livres de soufis, eh bien, je les sors pour leur montrer, hein. Et donc, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit ou à l'idée, mais sinon, j'en aurais ramené pour vous montrer, les livres que les soufis, des doigts qu'ils font dans leurs livres. Des paroles de shirk, et ils demandent par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parfois même ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des anges ou des djinns, et ainsi de suite. Donc faites attention à des livres de dua. Je me rappelle, il y avait une dame, justement, c'est une dame ivoirienne, hein, qui venait au durus. Elle venait au durus qu'on donnait à la mosquée à l'époque, et elle suivait les cours, donc, régulièrement. Puis, quand on a parlé, justement, des questions sur rapport avec les invocations et les doigts, on avait justement mentionné ces choses-là, et elle m'a dit, imam, j'ai vu que, vous avez parlé des questions d'invocation et tout ça. Moi, j'ai acheté un livre de doa et je voudrais vous le montrer pour que vous me disiez si ce livre-là, il est correct ou non. Eh ben, subhanallah, quand j'ai vu ce livre de doa, j'ai eu la surprise de ma vie. J'aurais jamais imaginé que ce genre de choses-là existait. Non seulement ils font du doa, il y a du shirk dedans, mais en même temps même, il y avait des doa avec des chiffres. Il y a des doigts. Dans le doigt, il y a des chiffres dedans que tu dois dire. Je dis, mais c'est quoi ce genre de doigt-là? Et je me rappelle, il y avait un soufi Tijani à Médine, justement, qui avait fait ce genre de doigt avec des chiffres-là, que j'ai entendu faire ce genre de doigt-là. Et quand je l'ai entendu faire ça, je me disais à moi-même, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Et je connais un vieux monsieur sénégalais ici à Montréal. Quand je l'ai rencontré, je lui ai donné cet exemple-là. J'ai rencontré une fois un vieux cher sénégalais à Médine. C'était un Tijani. Et même qu'il prétend... Bon, il est dit qu'il est descendant de Al-Hajj Omar Al-Fouti. Celui qui est bien connu, qui a propagé justement la tariqa Tijaniya dans l'Afrique de l'Ouest, à l'époque. Et il est un des soufis, justement, qui a propagé la tariqa Tijani en Afrique de l'Ouest, en Afrique noire. Et qu'il avait appris même cette tariqa d'égarement de l'élève direct de Ahmed Tijan. Il a même écrit un livre qui s'appelle, je pense, Rimah Hizb al-Rahim fi Nuhur Hizb al-Rajim, ou quelque chose comme ça. Et dans son livre, justement, il y a du shirk dedans. Il dit dedans, justement, il dit supposément à une femme qui était Qadiriya, il faisait de la guerre entre les Turcs Soufiya. La plupart des gens à l'époque étaient Qadiri, dans la tariqa de Qadiriya, au Nigeria, dans ces pays-là, beaucoup de gens étaient dans la tariqa Qadiriya. Mais lui, Al-Hajj Omar, il est revenu en Afrique de l'Ouest avec l'ordre de son cheikh de propager la tariqa Tijaniya. Donc il a dit à une femme, lorsqu'elle avait un malheur, lorsqu'elle avait un danger, elle invoquait par le cheikh Abdel Qadir Al-Jilani. Donc elle demandait le secours d'Abdel Qadir Al-Jilani. Il lui a dit, arrête de demander ou d'invoquer l'aide d'Abdel Qadir Al-Jilani et au lieu de ça, demande l'aide d'Ahmed Tijan. Donc c'est pour remplacer un shirk par un autre shirk. Et c'est ça malheureusement que beaucoup d'entre ces soufis, ces shurks soufis ont fait en Afrique. Ils ont remplacé un shirk par un autre shirk. Et ils ont propagé des bida'as du soufisme en Afrique. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens là-bas ne connaissent pas la réalité de la sunna et de l'islam en Afrique de l'Ouest. Allah musta'an. Donc, dans ce genre de doua, quand j'ai demandé à ce vieux monsieur sénégalais, je lui ai demandé c'est quoi qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là quand il faisait des doua, il mettait des chiffres dedans. Il a dit ça, c'est une langue secrète des anciens. J'ai dit à moi-même, subhanallah. Mais c'est quoi ça? En réalité, tu ne sais pas ce qu'il est en train d'invoquer le shaitan, d'invoquer les djinns. Tout ça, c'est des exemples de bid'a et de shirk qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et beaucoup d'entre eux, justement, parmi les soufis, ils jouent beaucoup avec les chiffres. Celui qui fait du sihr, le sihr, c'est. Les ulama, ils ont mentionné la peine pour le sorcier, c'est la mort. Que dans un état islamique, il doit être exécuté. Bien entendu, ça c'est lorsque la preuve a été établie que cette personne effectivement utilise, fait du sihr et utilise la sorcellerie. Mais sinon, c'est la peine de mort. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour faire comprendre donc que yani, les doigts, les invocations, les formes de tawassul doivent être tirées du Coran, de la sunna authentique. Et donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas du shirk et des bid'ah dedans. Sinon, c'est très très dangereux, très grave. Hein? Et lorsqu'ils font des explications du Coran, une fois je me rappelle, j'avais trouvé une vidéo comme ça sur un des sites de vidéos là qu'ils mettent. Et il y a un Tijani justement qui a mis une vidéo pour expliquer la valeur du dua qu'ils ramènent justement, les Tijani. Ils ont une prière qu'ils appellent Salat al-Fatih. Hein? Et pour eux, ça c'est le plus grand dua qui existe. Ils prétendent même qu'il vaut que de réciter Salat al-Fatih une fois, ça équivaut à réciter 6000 fois le Coran. 6000 fois le Coran. Donc, tu t'imagines, si Salat al-Fatih, un dua qui a deux phrases dedans, tu le récites, puis ça vaut 6000 fois le Coran. C'est dénigrer totalement le Coran. Mais en tout cas, donc ils font leur dua, salat al-fatih lima ughliq, et là ils commencent à faire des calculs, et ils calculent chaque lettre. Donc le sad ça vaut telle valeur, et l'autre lettre ça vaut telle valeur et telle valeur, là ils les additionnent. Après ils disent, bon, si tu additionnes ce chiffre là ça vaut telle valeur, et si tu calcules surat al-fatiha ou bien bismillah ar-rahman ar-rahim, mais bismillah ar-rahman ar-rahim, ça vaut telle valeur. Donc ça veut dire que Salat al-Fatih, c'est équivalent à cette valeur-là dans le Coran. Et là, ils font des comparaisons, des calculs comme ça. Allahu al-musta'an. Alors qu'il n'y a aucune preuve pour dire que telle lettre vaut tel chiffre. Qui a décidé? C'est totalement arbitraire qu'on ait déterminé que telle lettre a telle valeur numérique. Et ça a été tiré des gens de Kufr. La plupart de ceux qui ont inventé ces choses-là, c'est les Juifs, hein, à la base. Les Juifs qui faisaient ça. Et les Kabbalistes, hein, les gens de la Kabbale, et les francs-maçons, puis tous ces autres foires, c'est eux qui utilisent ces chiffres-là pour donner des valeurs numériques aux lettres, puis essayer d'interpréter le Coran par des chiffres. Hein, tu trouves aussi chez les gens du Pakistan aussi, il y a beaucoup de soufis là-bas au Pakistan, en Inde. Ils écrivent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils l'écrivent en chiffres. 7, 8, 6. Ils disent 7, 8, 6 ou 6, 7, 8 ou 7, 8, 6. Ils donnent à ces chiffres-là une valeur spéciale. Ils disent que ça veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est pour ça que tous les restaurants pakistanais que tu trouves, il y en a ici à Montréal, Ils ont ouvert ces restaurants-là dans les magasins où l'adresse du magasin c'est 786 ou 876. Ils cherchent ces trois chiffres-là. C'est étonnant. Comment ils cherchent à louer le local dans la rue où l'adresse est composée de ces trois chiffres? Parce qu'ils croient qu'il y a une baraka spéciale dans ces chiffres-là, que ça veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est à ça qu'on a affaire. Donc, le cheikh, il dit que dans toutes les formes de tawassul qui sont dans le Coran et dans la Sunna, ou qui sont venues de la part des salaf al-salih, il n'y a aucun exemple de tawassul, de demander à Allah par des êtres vivants, ou de demander par des créatures. Il n'y a pas d'exemple comme ça dans qu'est-ce qui a été rapporté de façon authentique. Il dit, et ça c'est la position de la majorité de la Ummah, hein? Le Cheikh il dit, يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم فما وجدته. Donc le cheikh il dit, il rapporte les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Istighatha. Al-Istighatha, c'est aussi, je pense que c'est le même livre que celui qu'on appelle Ar-Radd 'ala al-Bakri. Ibn Taymiyyah a écrit un livre qui s'appelle Ar-Radd 'ala al-Bakri. On l'appelle aussi Al-Istighatha. Et ce livre, il réfute dedans les paroles d'un soufi qui s'appelle Al-Bakri. Justement, Salat al-Fatih, je pense que c'est de lui que ça vient. Et Ahmed Tijan, il prétend qu'il l'a reçu directement du prophète. Il a dit que Ahmed Tijan disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait le voir en état d'éveil. Il lui apparaissait, il lui parlait, il lui informait, lui donnait des connaissances nouvelles sur la religion. Et naam. Subhanallah. Donc il lui a appris Salatul Fatih. C'est grave, ça c'est grave. Donc, non, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'il pense que... Déjà, il y en a d'autres soufis qui disaient qui prétendent le voir en état de sommeil, en état de rêve. Bon, ça c'est possible, parce qu'on sait que le prophète Sansom a dit que c'est possible qu'on le voit en rêve. Il dit, celui qui... C'est ça, donc il a dit, celui qui me voit en rêve, il m'a vu réellement. À condition, bien entendu, qu'on ait la description, qu'on ait lu les exemples de description du prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il a été décrit dans les hadiths. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui prétendent le voir, mais celui qu'ils ont vu, ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils pensent que c'était lui. Toutefois, lui, Ahmed Tijan, non. Ce n'était pas en rêve, c'est en vrai, en personne. Il venait, lui parlait comme ça, normal. Il y a beaucoup de soufis comme ça qui pensent que quand ils font la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présente parmi eux, qu'il est physiquement présent. Ils appellent ça al-hadra, justement. Et ils font la danse et les chants, et toutes sortes de bid'ah encore. Et ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte ce genre de bid'ah. À Oujda, il y en a pas seulement à Oujda, il y en a partout. Ouais, non, c'est pas. Si c'était à Oujda seulement, ce serait pas grand chose. Et allez, je te dis, ils le font dans presque tous les pays musulmans, dans le monde entier. Que ce soit au Maghreb, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique de l'Ouest, Nord, Sud, Est, Ouest. Même en Europe et aux États-Unis, ils ont ramené ces bid'as-là ici aussi. Et ils le font. Donc ça, c'est chez les gens de bid'a, parmi les souris, tu le trouves partout, ces genres de fêtes-là, de danse, de shirk, de bid'a. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit dans son livre Ar-Radd 'ala al-Bakri, ou bien Al-Istighatha, il dit, j'ai cherché pour essayer de découvrir ce qui m'a été possible, des paroles des salaf et des imams et des ulama. Est-ce que l'un d'entre eux avait permis de faire le tawassul par les hommes pieux en les invoquant, en les mentionnant dans le dua, ou est-ce que l'un d'entre eux avait fait ce genre de choses? Il a dit, et je ne l'ai pas trouvé. Si Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah te dit, je ne l'ai pas trouvé, ça veut dire qu'il ne l'a pas trouvé, ça veut dire que ça n'existe pas. Parce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'était une encyclopédie vivante. Il avait lu, et non seulement il avait lu, mais presque mémorisé par cœur tous les plus importantes sources et références de législation islamique. Tous les hadiths, le Coran, les hadiths, il les mémorisait presque par cœur. Et non seulement ça, même les paroles des ulama, il les mémorisait par cœur. Donc, la plupart de ses livres qu'il a écrits, il les a écrits en prison, il n'avait même pas ses livres avec lui. Et pourtant, il sortait les textes et les références et les preuves. C'est la preuve que c'était un imam, c'était pas n'importe qui. Mais malgré tout, il dit, je ne l'ai pas trouvé. Puis après, il dit, « ثم وقفت على فتية للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم فجوز التوسل به إن صح الحديث بذلك. Donc il dit, puis ensuite j'ai trouvé une fatwa de Abu Muhammad ibn Abd al-Salam. Abu Muhammad ibn Abd al-Salam, c'est un soufi, Ash'ari. Lui, il a dit quoi? Il a fait une fatwa. Et dans cette fatwa, il a dit que il n'est pas permis de faire le tawassul excepté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on peut faire, lui, il prétendait qu'on pouvait faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par aucun autre que lui, parmi les hommes. Il dit, mais en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prétendait que c'était permis de le faire, si le hadith à ce sujet-là était authentique. D'accord, ça c'est la fin de la citation de la parole de Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh Ibn Burgess par la suite? Il dit, هذا الذي ذهب إليه أبو محمد رحمه الله ليس بصحيح إذ لم يسبقه أحد من السلف إلى هذا ودليله ليس بصريح في المسألة كما سيأتي بل ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه وقد اشتد إنكار أهل العلم للتوسل بالذوات فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم وقال أبو يوسف رحمه الله أكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام انتهى كلامه دونك Qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Il dit, cette parole d'Abu Muhammad, elle n'est pas authentique, elle n'est pas correcte. Parce que personne parmi les salafs ne l'a précédé à cette parole. Parce qu'Abu Muhammad ibn Abd al-Salam, il ne fait pas partie des salafs. Il est venu bien longtemps après. Et en plus, il fait partie des soufis et des asha'ira. Donc il a plusieurs bid'a, yani, de ce genre. Et personne ne l'a précédé dans ce genre de paroles parmi les salafs, et la preuve qu'il a ramenée à ce sujet-là n'est pas une preuve explicite dans le sujet. Hein? Comme on va le mentionner plus tard, on va parler de certaines de ces shubuhat et des exemples que les soufis ramènent pour essayer de justifier. Parce que, bien entendu, quand ils essaient de faire quelque chose, ils essaient toujours de le supporter par quelque chose pour essayer de faire croire aux gens. Qu'est-ce qu'ils font? C'est correct. On va voir c'est quoi ce genre de choses-là qu'ils ramènent comme argument et comme preuve, et on va montrer qu'est-ce qu'il y a à rapport avec ça plus tard. Toutefois, le cheikh, il dit, qu'est-ce que lui, il a ramené comme idée que c'est permis de faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va montrer qu'il n'y a aucune preuve pour supporter ça. Même que les hommes de science ont sévèrement condamné toute forme de tawassul par les personnes, des hommes pieux ou des prophètes. L'exemple de la parole de Abu Hanifa rahimahullah qui disait, il n'est permis à personne d'invoquer Allah excepté par Allah. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'invoquer Allah par personne excepté que par Allah. Tu ne vas pas demander à Allah par un prophète ou par un saint ou par un ange, comme les chrétiens le font. Les chrétiens, par exemple, même les témoins de Jéhovah, qui prétendent, eux, ne pas croire en la Trinité, ou ne pas croire que Jésus est Dieu. Ils disent qu'il est son fils. Donc déjà, ça c'est du shirk. Donc ça c'est une forme d'idolâtrie, d'attribuer un fils à Allah, parce qu'on sait très bien qu'Allah n'a pas d'enfant. Et deuxièmement, ils invoquent, quand ils font leur dua, ils demandent à Dieu par Jésus. Et beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils font ça aussi. Ils disent, ô Dieu, ô Seigneur, te demande par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Ça, c'est du shirk aussi. C'est-à-dire, demander par le prophète, par Jésus. Ça, c'est, comme on l'a dit, une bid'a. Et il y en a certains ulama, et même ils le classent parmi le shirk mineur. Parmi le shirk mineur. Tu demandes par un prophète, par un ange. Toutefois, on sait que les chrétiens, Yani, non seulement ils ont ça comme shirk, mais aussi qu'ils demandent directement aussi à Isa. Ils le prient comme si c'était Dieu, parce qu'ils croient qu'il était Dieu lui-même, ou qu'il était Dieu incarné, ou qu'il fait partie d'une trinité, qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, que les trois sont Dieu. Quand ils invoquent Jésus, ils croient qu'il a quelque chose à voir avec la divinité, et qu'il est Dieu, ou qu'il est fils de Dieu, dans ce sens-là. Donc c'est, tout ça c'est du shirk, hein? Ça c'est clair, c'est du shirk majeur. Toutefois, si un musulman demande par un prophète ou par un ange ou par un homme pieux, il dit « Oh Allah, je te demande par telle personne, par tel prophète ou par tel statut d'un homme pieux » ou des choses de ce genre, ça c'est une bid'a, c'est une innovation, hein? C'est interdit de le faire. Et donc on voit que la parole de l'imam Abu Hanifa est claire à ce sujet-là, qu'il n'est pas permis à quiconque de demander à Allah excepté par lui-même. Tu demandes à Allah par Allah, par ses noms, par ses attributs. Et l'invocation qui est permise et qui est ordonnée, c'est ce qui a été tiré dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il dit dans le verset 180, dans Surat al-A'raf, on a expliqué au dernier cours, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ceci. Donc tu invoques Allah par Allah et par ses noms et par ses attributs, ça c'est correct. Mais invoquer Allah par des hommes pieux, ou par des prophètes, ou par des saints, ça c'est pas permis. Et Abu Yusuf, rahimahullah, qui était un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, Abu Yusuf dit, je déteste que quelqu'un dise par le droit d'un tel, ou par le droit de ton prophète, ou de ton messager, ou par le droit de la maison sacrée, ou par al-mash'al al-haram. Tout ça, c'est des choses qui sont interdites. Parce que les salafs, quand ils disaient akra ou al-makruh, c'était dans le sens de qu'est-ce qui est haram. Hein? Ils utilisaient le terme makruh dans le sens de qu'est-ce qui est haram, pas de qu'est-ce qui est détestable, comme les fuqaha qui sont venus par la suite. Donc, quand ils disaient akra, c'est dans le sens de, pour dire que tu considères que c'est haram. Et donc, on n'a pas le droit d'invoquer Allah en disant par le droit d'un tel, ou par le droit de ton prophète, ou de ton messager, ou de la maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, hein, ou des choses de ce genre. Donc, ça, c'est la fin de la parole de l'imam Abu Hanifa. Ensuite, il dit wa qala al-Qaduri, al-Quduri. Il y a plutôt la parole de Abu Yusuf, pardon. Oui. C'est la fin de la parole de Abu Yusuf. Après, il dit وقال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا تجوز وفاقا. Donc, القدوري, c'est un savant parmi les savants. Maliki, des Malikiyas, Madhab Maliki, il dit, le fait de demander par la créature n'est pas permis. C'est pas permis de demander à Allah par ses créatures. Pourquoi? Parce que aucune créature n'a un droit sur le créateur. Et donc ce n'est pas permis, il y a l'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les savants sont d'accord que ce n'est pas permis de demander à Allah par le droit de ses créatures, parce qu'aucune créature n'a de droit sur Allah. Hein? Et après, le cheikh il dit فَهَذَا قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَئِمَّةُ الْحَنَفِيَّةِ Al-Quduri. Si je ne me trompe pas, c'est un... Ça se peut que je me trompe ici, peut-être que le Qudouri, je me trompe avec un autre savant qui était Maliki. Peut-être que je me mélange avec son nom. Mais c'est possible que ce soit un Hanafi aussi. Et peut-être que j'ai oublié le nom de l'autre dont je parle. Mais ça se peut que c'est un Hanafi aussi. Parce que le Cheikh, il dit ici, la parole des imams, des Hanafiyas, hein, il dit, Rahimahumullah, il dit, ils ont dit فهذا قول أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى فلسنا نحرم التوسل بذوات المخلوقات وحدنا وإنما هو قول أهل العلم قبلنا ولولا خشية الإطالة لسقنا نصوصهم على نحو ما ساقه أو على نحو ما سقناه عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. Donc le cheikh il dit que cette parole des imams des Ahnaf, la parole de Abu Hanifa, la parole de Abu Yusuf et Al-Quduri, c'est les paroles des imams des imams du madhhab Hanafi. Il dit eux ils disent c'est pas seulement nous qui interdisons de faire le tawassul par les créatures, mais c'est la parole de tous les hommes de science avant nous. Et il dit si nous, il dit le cheikh, si on ne craignait pas de prolonger les exemples et les citations, on aurait cité leurs paroles et les textes de leurs citations une par une, comme on l'a fait pour Abu Hanifa et ses compagnons, rahimahumullah. Donc, c'est pour dire qu'il mentionne l'exemple de la parole d'Abu Hanifa et des ulama qui ont suivi l'exemple d'Abu Hanifa dans le fiqh, mais c'est pas juste pour dire que c'était juste eux qui disaient ça. Tous les imams de l'islam avant eux ont dit la même chose. Et ceux qui veulent avoir plus d'exemples de ça, ils peuvent retourner au livre de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Ar-Radd 'ala al-Bakri ou bien Al-Istirata. Et il y a aussi un autre livre qui est bon sur ce sujet-là, c'est At-Tawassul wal-Wasila. At-Tawassul wal-Wasila. Et ce livre-là, le titre c'est Qa'idatul Muhimma fit tawassul wal wasila. C'est un des très bons livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans lequel il réfute ce genre d'idée par rapport au tawassul, et il mentionne les paroles de tous les imams qui ont parlé de ce sujet-là, et il ramène les preuves à ce sujet aussi. Donc nous on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici et on continuera au prochain cours inshallah avec d'autres détails sur cette question. Bismillah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc à demain inshallah.